Herriotsak, Pausu Mediak ekoiztutako saio bat, egunero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00 arte, Antxeta irratian. Arratsaldeon eta ongi etorria gure kunkara. Arratsaldeon, Zaga, ¿cómo se va? Très bien, merci, arratsaldeon. Eta arratsaldeon ere gure entzule guztiei, egunero bezala 8:00-etatik 9:00 arte Herriotsaken zaudete, Antxeta irratiaren sintonian, eta bereziki gure kunka entzun behar duzute gaurkoan. Bienvenue, Sarah, un jeudi de plus pour parler de différents thèmes qui touchent les migrants, la rétention et d'autres choses. Aujourd'hui, tu as préparé une émission sur un thème spécial. Oui, sur un thème spécial, les cercles de silence. Donc, c'est un thème qui a trait à la rétention, mais plutôt extérieur à la rétention. Je vous rappelle donc que vous écoutez Antxeta Irratia sur 89.7 FM et que comme tous les jours de 20h à 21h c'est Herriotsak sur Antxeta. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez nous trouver sur internet en tapant herriotsak.info. Vous trouverez là toutes les émissions de Herriotsak, tous les thèmes qu'on traite jour à jour. Et à partir de 21h et quelques, vous trouverez aussi l'émission d'aujourd'hui. Donc tu nous disais, Sarah, qu'aujourd'hui on va parler des cercles du silence. Tout et tu fait. Peux nous expliquer peut-être un petit peu qu'est-ce que c'est. Oui, voilà. Alors jusqu'à présent, on a appréhendé la rétention vraiment depuis l'intérieur. Et donc aujourd'hui, on va en sortir un peu. Donc on va rester près des centres de rétention, mais à l'extérieur. Donc j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui puisque le prochain cercle de silence aura lieu à Hendaye le samedi 18 décembre à 14h30. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'appréhender un peu ce que c'était ce genre de manifestation. Donc habituellement, le cercle de silence d'Hendaye, enfin oui, du coin, se déroule à Bayonne sur la place de la mairie. Et pour les fêtes de fin d'année, donc c'est devenu habituel. Désormais, le cercle de silence se déplace à Hendaye et s'installe une heure durant devant le commissariat, donc commissariat qui abrite le centre de rétention. Donc, une rapide présentation s'impose un peu pour savoir ce que sont les cercles de silence. Puis après, nous prendrons contact avec trois personnes d'associations et de villes différentes pour essayer d'avoir une vision à la fois plus globale mais aussi plus concrète de ce qu'est un cercle de silence dont l'origine est quelque peu particulière. Donc comme son nom l'indique, un cercle de silence est une manifestation silencieuse. Cette manifestation regroupe des citoyens d'horizons et de courants de pensée divers et parfois totalement à l'opposé, mais ces citoyens s'élèvent en fait contre l'enfermement systématique dans des centres de rétention de personnes en situation irrégulière sur le territoire français. Donc, en effet, devant cette atteinte à la première liberté de tout être humain, qui est la liberté d'aller et venir, ces membres, en fait, ont souhaité aller au-delà des mots et des cris, en exprimant la force et de leur réprobation et de leur interrogation via la non-violence et tout particulièrement le silence. En effet, ce silence qui fait parfois plus de bruit que la parole elle-même. Donc, je disais que ces rassemblements regroupaient des citoyens d'horizons parfois très différents, puisque l'appel à la pérennisation de ces cercles résulte de diverses organisations, telles que des associations, des syndicats ou encore des partis politiques. Et néanmoins, je pense que ce qui fait la force d'une telle démarche, c'est que les personnes qui s'y rendent viennent sans aucune étiquette. Aucune étiquette n'est affichée et chaque personne vient en tant que citoyen de sa propre initiative. Donc les cercles de silence ont des aspects différents selon les villes, mais tous poursuivent un même objectif, qui est en fait de faire prendre conscience à la population et à l'opinion publique, faire prendre conscience de la réalité de l'enfermement des étrangers en situation irrégulière. Donc actuellement, ces cercles de silence se réunissent mensuellement dans 172 villes du territoire métropolitain, mais également de l'outre-mer, comme par exemple à Bayonne ou en Daye une fois l'an. Donc pour tenter d'approcher un peu plus concrètement cette initiative, qui peut de prime abord surprendre, puisque en effet protester par le silence est relativement contradictoire. Trois personnes vont témoigner aujourd'hui à l'antenne pour nous faire partager leur implication dans cette action. Donc, comme je le disais au départ, ces personnes résident dans différentes villes et sont membres de trois associations différentes, associations de défense des droits des migrants et plus largement des droits de l'homme. Donc je vais rapidement les présenter et ensuite nous leur laisserons la parole. Donc interviendront successivement M. Pierre Grenier, qui est salarié et militant de la CIMAD à Toulouse, M. Christophe Després, qui lui interviendra en tant que président de la Ligue des droits de l'homme du groupe de Bayonne, et pour finir, Madame Isabelle Larouille, qui, elle, est militante du réseau Éducation sans frontières de Pau. irubebikoitza@riotxak.info Parti d'un bout du monde, j'étais trop grand pour me courber. Parmi les nuages de poussière, juste au bord de la terre, j'ai marché le long des routes, le ventre à l'air dans le ruisseau. Et même que le vent nous écoute et la pluie va tomber bientôt, ce que je fais là moi, je sais pas, je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là moi, je sais pas, je pense à toi depuis mille ans. Tellement de nuits sous la paupière, tellement de forêts abattues, même sous la mitraille et le fer, moi je leur ai rien vendu. Et que même dans l'espace Schengen, ils ont pas voulu de ma peau. Ce que je fais là moi, je sais pas, je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là moi, je sais pas, je pense à toi depuis mille ans. Pas la manière. Depuis la terre, on y... Donc de l'autre côté du téléphone, nous avons Pierre Grenier, notre premier invité aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Vous nous entendez bonsoir. Bien ? Ouais, très bien. Bon, parfait. Oui, donc à l'instant, je présentais les trois personnes qui vont intervenir au cours de l'émission. Donc vous trois qui participez en tant que militants donc à ces cercles de silence. Et en fait, c'était pour essayer de voir un peu ce que cela signifie, donc de participer à ce genre de manifestation. Donc tout d'abord, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer la particularité du Cercle de silence de Toulouse et notamment ses origines ? Bah, la particularité du Cercle de Toulouse, c'est que c'est le premier, en fait. D'accord. C'est que l'initiative est partie de Toulouse. Donc c'est ça sa principale particularité. Et ça a fait tache d'huile ensuite un peu partout en France, après sous différentes formes. Mais c'est l'initiative donc au départ de frères franciscains, d'une communauté franciscaine de Toulouse. D'accord. Et c'était en quelle année ? Alors, tu me poses une colle. C'était en 2006, si je me rappelle D'accord. bien, à l'été 2006. D'accord. Mais voilà. D'accord. Et comment est-ce que la société civile s'est réappropriée cette manifestation qui vraiment à l'origine était quelque chose d'extrêmement religieux, d'extrêmement pieux quelque part. Mmh. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir voilà comment quelque chose de religieux devient et récupéré quelque part par la société civile pour le faire vivre. Mais je crois que c'est si ça a pu être récupéré, comme tu dis, ou en tout cas approprié par des gens très, très divers, c'est parce que l'initiative des franciscaines, justement, c'était l'objectif. C'est-à-dire qu'ils avaient une démarche effectivement religieuse en disant, dans ce silence veut dire beaucoup, on symbolise aussi un temps pour ces personnes, pour la réflexion autour des personnes enfermées, etc. Et on sensibilise. Parce que ça interpelle de voir des gens en rond au milieu de la place du Capitole et une lumière au milieu, accompagnée donc d'un panneau qui explique ce qu'est un centre de rétention. Donc il y avait cette démarche de sensibilisation. Et du coup, c'est vrai que très rapidement, ce sont des gens, des militants associatifs, comme à la CIMAD, comme moi par exemple, mais des militants politiques aussi. C'est assez étonnant de voir par exemple des membres du Parti communiste ou de participer à des cercles qui sont l'initiative des franciscaines. C'est toujours étonnant les rencontres que tu fais à ce moment-là, mais c'est parce que leur initiative au départ, c'est vraiment une sensibilisation très large. Et ben, de fait, ça a marché, quoi. D'accord. Et cette appropriation voilà, par la société civile, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement ou il a fallu y travailler pour que ça se développe ? Non, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que ça s'est fait vraiment très naturellement. Ça a été un ensemble. Ça a été créé aussi au moment où il y avait la construction d'un nouveau centre de rétention au bout des pistes de l'aéroport de Blagnac, près de Toulouse. Un très grand centre de rétention, donc avec 126 places. Un secteur famille, il y avait eu pas mal de mobilisation autour de ça. Et le fait que commençaient à être placés des enfants dans ces centres a choqué pas mal de gens. Donc c'est tout ce contexte qui a fait que, à un moment donné, comment agir ? Ben tiens, il y a les franciscaines couvrent cette place. Donc, et puis y compris, donc ça c'est les militants qui sont venus, mais le fait que ça soit en plein cœur de la ville, c'est un lieu où il y a énormément de passages, les personnes sont greffées sur les cercles. Venant voir ce qui se passait, voyant les explications, participer au cercle comme ça, alors que de manière tout à fait impromptue. Quoi. Oui, j'imagine que ce rassemblement sur la place du Capitole a dû interpeller de nombreuses personnes quand on connaît la grandeur de la place. C'est sûr que j'imagine des personnes se regroupant en silence au milieu, ça a dû interpeller pas mal de gens. Ben, ça fait que tu es arrivé à des cercles à 500, 600 personnes. D'accord. C'est énorme. Ah oui, oui, oui. Sur des cercles particuliers où il y avait un appel particulier dans des réseaux militants. D'accord. Donc il y avait une base d'une 100-200 personnes avec énormément de gens qui se greffent autour. D'accord. Et quelle a été un peu, quelle est un peu la réaction des gens qui pensent sans savoir exactement ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a comme genre de réaction ? Vous avez un peu des retours de ça ? Ben, de manière très... moi, ça m'a toujours étonné. Très souvent, quand même, des réactions assez intéressées et positives. Voir des gens qui posent des questions, puisqu'il y a toujours 2-3 militants autour qui sont prêts à répondre aux questions. Mm-hmm. Et très peu, du coup, de tentatives de perturber. Parce qu'en fait, c'est vrai que d'être confronté à tous ces gens en rond et en silence, les gens se sentent super mal à l'aise. Il y a 2-3 personnes qui ont essayé, et comme personne réagit, de perturber en gueulant les les Arabes chez eux, j'en sais rien, des conneries du genre. Très difficile pour eux de continuer parce qu'ils sont face à un silence mais qui est plein de sens et ils se sentent très vite ridicules. Et donc, en fait, beaucoup plus de réactions intéressées, positives, voire choquées de ce qui pouvait se passer, quoi. Donc on peut dire que ça a atteint son but. Ouais, je crois que ça a atteint son but. C'est une manière de militer. Ça peut pas être une fin en soi, à mon sens. Sure. C'est quelque chose d'intéressant en termes de sensibilisation, c'est clair. D'accord. Et justement, pour toi, en tant que militant associatif, qu'est-ce que ça signifie, cette participation à un tel cercle de silence? Ça signifie surtout soutenir un moment une initiative qui est quand même dans le champ dans lequel je m'inscris en tant que militant, c'est-à-dire la défense de ces personnes, une autre manière de militer, parce que c'est pas dans nos pratiques à nous, en tout cas, forcément à la CIMAD, même si ça l'est devenu d'une certaine manière, c'est complémentaire au reste, donc c'est vrai que c'est toujours ce silence pendant une heure, ça paraît long, ça paraît, et en même temps, c'est tout ce qu'il y a autour qui fait que c'est une autre manière de militer. Après, vraiment, je trouve que c'est une initiative super intéressante qui marche, qui permet de sensibiliser. En même temps, ça ne peut pas être une fin en soi, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça peut être, comme tu le disais, c'est quelque chose qui interpelle les gens. Et du coup, bon, voilà, ça peut être une façon de les sensibiliser et qu'ils prennent aussi conscience un peu de ce qui se passe autour d'eux. D'accord. Mmh. Et s'agissant donc du cercle de Toulouse, tu disais qu'il avait lieu donc sur la place du Capitole, en plein centre-ville. Et à quelle fréquence, quels sont les participants, c'est-à-dire les organisations qui appellent à se rassembler? Alors, c'est tous les derniers mardis du mois. D'accord. À 18h. Et alors, à ma connaissance, il n'y a plus d'appel. D'accord. C'est-à-dire que c'est tellement rentré dans le paysage. Oh, ça c'est très bien. Que du coup, les gens s'y retrouvent tous les derniers mardis du mois. D'accord. En tout cas, c'est rentré dans les têtes des militants. Et après, voilà, toujours pareil, les badauds peuvent s'arrêter, etc. Il peut y avoir des appels sur des cercles spécifiques au moment de la loi Besson, au début des discussions sur la loi Besson, etc. Mais c'est plutôt ancré, en fait. D'accord. C'est quand même un beau succès, parce que s'il n'y a plus besoin d'appeler à se réunir pour que les gens, et que les gens viennent d'eux-mêmes instinctivement se rassembler, c'est quand même une belle victoire. Tout à fait. Ça, c'est sûr que les franciscaines là-dessus ont réussi à fédérer tout un tas de militants d'horizons très très divers, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et justement, je viens de penser à quelque chose. Le fait qu'à l'origine, c'est une initiative religieuse, ça n'a pas mis de frein à certaines organisations qui auraient pu dire « ben non, c'est religieux, donc on n'y participe pas ». Ça n'a pas été un frein au départ? Si, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a des personnes qui n'y participent pas pour cette raison-là. Ouais, d'accord. Mais c'est un frein pour certaines personnes, mais vraiment pas pour la majorité, y compris des personnes qui pourraient être inquiètes. Mm-hmm. Je sais que c'est une initiative de religieux et qui pourtant ont franchi le pas et voient bien que c'est quelque chose qui va bien au-delà, quoi. D'accord. Donc bon, après c'est le là aussi, enfin, on peut voir aussi que c'est peut-être que ça a été dépassé vu que les gens n'ont plus besoin que. Enfin, c'est rentré dans les mœurs, donc peut-être que ce côté religieux a été aussi dépassé. Donc c'est vrai que ça aussi, ça peut être un bon sujet de victoire. Oui, tout à fait. Mais on voit ailleurs que ça a posé des questions, parce que des gens ont développé ce qu'ils appelaient les cercles de bruit. D'accord. Pas en opposition au cercle de science, mais de dire, nous on est des laïcs qui organisons ça. Bon, d'accord. Voilà, et je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est une initiative polémique, je ne crois pas, ils vont dans le même sens. Et puis voilà. D'accord, très bien. Et là, pour terminer, je voudrais savoir si ce que tu pourrais dire à des gens pour les inciter à venir participer à un cercle de silence, qui pourrait se poser la question au niveau religieux, au niveau passer une heure sans parler, ça fait quand même de prime abord assez peur. Ouais. En plus, maintenant, avec l'hiver qui arrive, voilà, ça pourrait... refroidir des gens. Donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les inciter à venir participer? Ben justement, dans ces conditions-là, plus que jamais, je crois que il y a un écho à l'intérieur des centres de ces initiatives. Parce que c'est des choses qui sont reliées, notamment, alors à Toulouse, il y a des intervenants de la CIMAN qui interviennent dans le centre, qui se font le relais de ces initiatives-là, etc. Et de manière ponctuelle, il y a un retenu qui va dire, tiens, mais ça... Bon, on sait qu'en ce moment, il y a des personnes dehors là qui sont avec nous, qui sont contre cet état de fait. Ben, nous, ça nous donne un petit coup de boost. Donc, même si c'est une personne sur 100 retenues, rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de venir donner du sens à son silence pendant une heure. Quoi. Ouais, ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À toi depuis mille Gaurkoan gure kunkan isiltasun zirkuloen inguruan hitz egiten ari gera. Isiltasun zirkulo hauek hiri desberdinetan antolatzen diren zirkuloa dira, kontzentrazioa dira, erretentzio zentroak eta etorkinen kontrako politikak salatzeko. Eta oraintxe bertan Toulouseko militante eta langile batekin, Lazimaden langilearekin hitz egin dugu, Pierre Grenierekin, eta berak kontatu digu Toulouseko isiltasun zirkuloa lehenengoa izan zela estatu frantsesean eta paisa franziskanoak martxan jarri zutela. Baina gaur egun gizarte zibila eta mugimendu sozialek burutzen duten ekimena da. Esan du 500 edo 600 pertsona inguru bildu izan direla noizbait, hau esan nahi du nahiko arrakastatsua izaten dela ekimena, hilabetean behin egiten dutela eta ez dagoela deialdi berezirik, baizik eta ohitura bezala bilakatu da militanteen artean eta ordun pixkat espontaneoki biltzen dira horren inguruan. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette première interview. Non, il a, enfin ça, on a tout à fait bien montré en fait la genèse de ces arcs de silence qui au début on peut et maintenant encore peuvent poser question à des personnes laïques. C'était vraiment la première personne que je voulais appeler pour un peu poser les bases et expliquer ce qu'est un cercle de silence et le et surtout, qui est à l'initiative de ces cercles. Donc, si tu veux, tu nous rappelles qui est-ce qu'on va appeler maintenant. Donc, maintenant, on va s'entretenir avec Christophe Després, qui, en tant que président de la Ligue des droits de l'homme du groupe de Bayonne. Écoute ces flots, c'est des mecs qui sont bien chauds. Viens pour évolutionner, faire monter encore plus haut. Salut, moi je suis du 97400. Écoute, aïe, et tu n'en reviens pas. On t'a mis la pagaille et toi tu t'y attendais pas. Mais tout sort ce gars-là. En plus il déchire le ragaille, même sur la dancehall. Aïe, mec tu le resteras. Je te le répète, mec, ni la ni la bouffée. Bête la tête, ouais sans tête. Faut pas prendre les gars pour bonne poupette. Faut voir ce que fait le cas quand il est chaud. Antxeta irratia entzuten ari zarete, 89.7 FM. Eta 8:00 bederatzietako tarte honetan herri hotsak 8:25 eta Zimadek egiten duen gurekunka saioa entzuten ari zarete. Isiltasun zirkuloen inguruan ari gara. Saladisa, écoute le son bouche, les qui apprécient ça. Oh, qui tient nous n'est là, nous vient crier comme l'espèce à mal de ça. Oh, qui saladisa, écoute le son bouche, les qui apprécient ça. Oh, qui tient nous n'est là, nous vient crier comme l'espèce à mal de ça. Oh, mes boums, fire sur le mic, moi j'ai l'argent raga ou un dancehall acoustique qui sonne naturel. Mystique mais fait tourner l'esprit des amas, t'y mal, fais pas ton chacal. Sinon un rafale, les pays à monter. Mais où qu'on n'est pas qu'à l'effet, c'est gagné pour le jet, pour les amas, pour qu'on fait, eh eh. Pas besoin, tu gardes à moi, et quand j'ai parlé. Où qu'on n'est pas qu'à l'effet, c'est gagné pour le jet, pour les amas, pour qu'on fait, eh eh. Alors ma fait tourner, fais tourner, c'est. Ça ne sent bourbon, ça ne sent bourbon, ça ne sent bourbon, mais laissant la réunion pâle. Ça ne sent bourbon, ça ne sent bourbon, ça ne sent bourbon, mais laissant la réunion pâle. Ça le sent bourbon, ça le sent bourbon, ça le sent bourbon, mais laissant la réunion mal. Ça le sent bourbon, ça le sent bourbon, voyage, voyage, laissant la réunion mal. Le bourbon style, laissant la réunion mal. irubebikoitza@herriotsak.info Quand d'obéir des gouttes vous enfonce dans la vase. Y'a toujours une goutte qui fait déborder un vase. Et puis se voir dire non, enfin, enfin le dire. Pour respirer à fond, se soulager du pire. C'était ça ou crever, sans fierté à genoux. Quand y'a rien à rêver, qu'on risque après tout. T'avais rien demandé là, Rosa, mais c'est tombé sur toi ce jour-là. Tu as fait le premier pas et y'a eu Mandela après toi. T'avais rien demandé là, Rosa, mais c'est tombé sur toi ce jour-là. T'as fait couvrir la voie. T'as eu ce courage là. Nous avons donc notre second appel d'aujourd'hui. Christophe, bonsoir. Allô Christophe, bonsoir. Oui, je vous entends. Bon, petit problème avec le téléphone. Bonsoir, bienvenue. J'ai ici Sarah avec moi. C'est elle qui va un peu vous interviewer. D'accord. Bonsoir Christophe. Enfin. Voilà, donc on vient de raccrocher avec Pierre Grenier, donc qui au travers du cercle de silence de Toulouse nous a un peu présenté la genèse donc de cette action. Et donc comme il nous l'a expliqué, les cercles de silence sont donc pour origine un engagement religieux de la part des frères franciscains de Toulouse. Oui. Et donc je voudrais un peu avoir ton avis sur un peu pourquoi l'engagement de la société civile justement dans les cercles de silence. Alors, c'est clair, c'est pour réagir à cette politique d'enfermement des ce qu'on appelle les sans-papiers. Alors ça concerne tout le monde. Hein. Ici, ça a été créé sur Bayonne juste après les premières manifestations contre le centre de rétention. D'accord. Et c'est ouvert à des associations, il y en a qui sont d'orientation religieuse, mais sinon c'est ouvert à tout le monde aussi. Voilà, c'est ce que je disais précédemment, que les personnes qui se rendent à ces cercles donc viennent, elles, sans étiquette. Donc bien souvent, voilà, ce sont différentes organisations locales qui lancent un appel pour venir se réunir à tel endroit, mais les personnes viennent la plupart du temps sans étiquette et viennent en tant que citoyennes, en fait. Voilà, on n'affiche pas du tout notre appartenance à telle ou telle association, hein. Donc les associations permettent d'avoir une certaine structure pour organiser tout ça, mais en même temps on a mis en place un système pour que les gens qui veulent venir, qui sont pas forcément dans une association, puissent laisser leur mail pour être prévenus si par exemple on essaye de faire quelque chose d'original une fois ou l'autre. D'accord. Et je voulais savoir un peu en tant que toi, en tant que militant associatif, qu'est-ce que signifie cette participation à un cercle de silence? Alors c'est pour, à la fois, ça interroge notre conscience de militants face à ce traitement inhumain, indigne des sans-papiers. Et en même temps, donc, ça interroge la conscience des autres qui nous voient rassemblés là. C'est un moyen pour nous à la fois d'afficher notre résistance et puis aussi d'aller à la rencontre des autres et de faire savoir qu'il y a des centres de rétention, faire savoir qu'on n'est pas d'accord. D'accord. Et justement, tu parles d'aller à la rencontre des autres. Pierre nous a un peu expliqué que, enfin, les réactions des personnes qui passent sans savoir exactement ce qui se passe. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire quel type de réaction vous avez pu rencontrer, puisque quand même, je pense que ça doit être assez... les personnes doivent être quand même pas mal interpellées de voir un rassemblement silencieux. Alors, ça a un petit peu évolué. Au départ, beaucoup de gens nous disaient qu'ils ne savaient pas, qu'il y avait un centre de rétention, qu'ils ne savaient pas qu'on réservait un tel traitement à des gens. Donc ça interpelle, hein, on discute. D'accord. Alors évidemment, avec la libération de la parole ces derniers mois, à l'initiative d'une politique un peu sécuritaire, il y a quelques personnes qui passent en disant qu'il faut privilégier les Français. Mais en tout cas, ça interpelle. D'accord. Donc déjà les gens réagissent. Et sinon, vous avez... en règle générale, c'est quand même quelque chose qui est respecté ou... Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Moi, je crois que ce cercle silencieux de 60 personnes, ça ne laisse pas indifférent. Bien sûr. Et ça interpelle chacun. D'accord. Et donc, est-ce que tu pourrais un peu nous parler du cercle en lui-même, de où est-ce qu'il a lieu, quand est-ce qu'il a lieu, les participants, ce genre de choses? Alors, à Bayonne, on se réunit tous les premiers vendredis du mois, de 18h à 19h. Alors, ça se tient devant la mairie, place de la Liberté. Donc, et ça réunit les associations, mais aussi n'importe quelle personne qui interpellait. D'accord. Et en fait, pour terminer, est-ce que tu pourrais dire quelques mots pour si tu avais incité des gens à venir y participer? Voilà. Alors, je précise que la prochaine fois, c'est particulier. On aura une réunion devant le centre de rétention le 18 décembre à 4. Puisque pour des raisons pratiques, devant la mairie, il y a les chalets de Noël. Cette fois-ci, ce sera devant le centre de rétention, samedi 18 à 14h30. Et une fois là, justement, ce cercle de silence est un peu particulier, vu qu'il n'y a pas... Il y a une demi-heure de silence et une demi-heure de bruit, justement. Voilà. Pour une fois n'est pas coutume, on fait un peu de bruit. Et quant à ta dernière question, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour y venir? C'est que c'est un engagement qui n'est pas lourd, hein, que ça s'adresse à tout le monde, que ça peut être comme une flash mob, qui est à la mode en ce moment, une flash mob qui reviendrait un peu de temps en temps. Tout à fait, c'est vrai, j'avais pas du tout pensé, mais c'est vrai que ça pourrait être assimilable à ça, tout à fait. Écoute, je te remercie beaucoup. Je vais te libérer, je sais que tu as des obligations présidentielles ce soir. Voilà. Je te libère, je te remercie beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Mandela, après toi. J'avais rien demandé la rosa, mais c'est tombé sur toi ce jour-là. Tu as fait couvrir la voie, mais t'as eu ce courage-là. Rosa, Rosa. Beraz, bigarren elkarrizketa honetan, Baionan antolatzen duten isiltasun zirkuloan parte hartu duen Christophe izan dugu, bera Ligue des Droits Humains-eko kolektibokoa da, eta esan digu elkarteak, baina norbanakoak ere parte hartzen dutela isiltasun zirkulo honetan. Helburu nagusia erretentzio zentroak daudela jakinaraztea eta hoien kontra daudela nola ez asaltzea da. Eta esaten zuen askotan jendia etortzen dela jakin gabe erretentzio zentroak existitzen direnik edo paperik gabeko etorkinak horrelako jazarpena jasaten dituztela. Eta orduan balio dutela jende oneri azalpenak emateko eta egoera guzti hau kontatzeko. hilabetean behin egiten dute, Toulousekoa bezala, eta abenduak 18an ba, berezia izango da, erretentzio zentroaren aurrean egingo dutelako. Donc si j'ai pas mal compris, le prochain, quand il parlait du centre de rétention, c'est le centre de rétention de Hendaye. Oui, d'Hendaye, oui, bien évidemment. Oui, c'est, voilà. C'est tellement évident que... Voilà. On ne le précise même plus. Donc pour les gens qui ne savent pas, ça sera le 18 décembre. Tout à fait. Et l'heure... 14h30. D'accord, 14h30. Oui, ça s'est pas bien passé. Donc 14h30, 18 décembre à Hendaye. Devant le commissariat. Voilà. This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd, while laughing up a storm until we were just bone. Until it got so warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to eat in the decay, but none of them were home. Et donc pendant qu'on écoute cette chanson, on va faire notre troisième appel. Qui est-ce qu'on va appeler? Alors la dernière personne que nous allons, avec qui nous allons entretenir est Isabelle Larouille, et elle est militante du réseau Éducation sans frontières de Pau. Je lui demanderai, enfin voilà, pour qu'elle vous explique exactement quel est l'objectif de cette association. But it's a pretty sound. We listened to it twice, 'cause the DJ was asleep. Bum, ba, bum, ba, bum. This is how it works. You're young until you're not. You love until you don't. You try until you can't. You laugh until you cry. You cry until you laugh. You peer inside yourself. You take the things you like, then try to love the things you took. And then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood and walking arm in arm. You hope it don't get harmed, but even if it does, you just do it all again. And on the radio, you'll hear November rain. That solo's awful long, but it's a good refrain. You'll listen to it twice, 'cause the DJ is asleep. On the radio, on the radio, on the radio, uh-oh. On the radio, uh-oh. On the radio, uh-oh. On the radio, que Isabelle ne prend pas le téléphone, donc on va mettre une autre petite chanson, on va réessayer. Et moi j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez nous écouter, vous pouvez écouter Herriotxak tous les jours de 20h à 21h en direct, mais vous pouvez aussi écouter la répétition de 11h à minuit, sauf les jeudis où c'est de minuit à 1h du matin. Et vous pouvez aussi nous entendre par internet sur herriotxak.info. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Visiblement, on n'a pas réussi à avoir Isabelle. Ce sont les aléas du semi-direct. En fait, j'aurais trouvé intéressant que... Enfin, j'aurais souhaité qu'elle intervienne, puisque, donc, en tant que militante du réseau Éducation sans frontières, cette association, en fait, est une association qui s'est créée autour des familles, en situation irrégulière, et notamment via les groupes scolaires où sont scolarisés les enfants de ces familles. Donc je pense que, voilà, en tant qu'association fortement militante en aide, notamment aux familles, et quand on sait le traumatisme qu'est l'enfermement d'enfants dans un centre de rétention, voilà, je pense que l'engagement du RESF dans les cercles de silence a une valeur extrêmement forte dans la contestation. Voilà, c'était... Bon, on n'a pas réussi à la voir, ce sont les petits aléas. Je vais traduire un petit peu ce que tu as expliqué. On voulait parler, j'étais en train de le redire en français. Itzein nahi genuen Isabelekin, Isabel Resf frantsesez, mugarik gabeko hezkuntza sareko kidea da, eta oraintxe bertan Zagake azaldu diguenez, ba, elkarte honek bereziki lan egiten du familiekin, zeren aurrekotan komentatu izan dugun bezala, ba, erretentzio zentro hauetan familia osoak egoten dira, eta hoien artean aurrak, eta orduan ba, hauek bereziki lan egiten dute esan bezala familia giro horrekin eta horrekin. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose de plus à ajouter. Par ces témoignages, j'espère qu'on a réussi un peu à vous faire voir ce qu'était un cercle de silence et vous faire appréhender une autre façon d'agir en contestation à une politique gouvernementale. Donc, si jamais vous souhaitez d'autres informations, un site internet a été créé. Donc, ça s'appelle cercledesilence.info. Où il y a diverses informations, notamment sur l'organisation des cercles dans les villes dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc pour les cercles de silence, c'est terminé pour aujourd'hui. On va peut-être passer à l'agenda. Le gibier sans papier a du souci à se faire. Le chasseur assermenté renifle les tanières. Le ministère de la chasse aux immigrés a ordonné une battue brutale et sans pitié. Et les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est se limite pas au téléphone, parce que sur l'ordinateur, il me laisse pas accéder au fichier que je voudrais pour mettre quelques pubs. Pubs, autopubs, disons. Donc je vais les faire un peu en direct. Alors je voulais vous dire que avant j'ai parlé des répétitions de Rio Chac aujourd'hui de minuit à 1h, mais vous avez avant tout ça d'autres émissions sur Anchieta Irratia. Donc il y a d'abord de 21h à 22h, dès qu'on finit Rio Chac, vous aurez l'émission faite par la radio Chilo Cibel, émission musicale. Ensuite de 22h30 jusqu'à minuit, une autre émission de Chilo Cibel Irratia, et ensuite vous aurez encore une fois la répétition de Gure Kunka. La milice républicaine est passée à l'action. Elle a raflé les mômes dans les cours de récréation. Elle traque jusque dans les églises et les mosquées, dans les usines, les gares et les universités. Cours, mon frère, cours, ma sœur. Cours pour être libre, moi je sais que tu as peur. Cours dans l'indifférence du peuple de France. Ils ont voté, et maintenant silence. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. Donc pour terminer l'émission, je voulais vous parler de deux dates. Vous reparlez donc de la soirée de demain, vendredi 3 décembre, vu que là, il y a 15 jours, j'avais épuisé mon temps de parole. Donc demain, vendredi 3 décembre, il y a une soirée débat au cinéma Le Royal à Biarritz, donc autour du film Illégal. Donc la soirée commence à 20h, le film, et ensuite il y aura... Donc un débat. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le cinéma Le Royal est situé à Avenue Foch à Biarritz. Donc ça c'est la première date. Et la deuxième, pour vous la rappeler, c'est donc le cercle de silence devant le centre de rétention d'Andaye le samedi 18 décembre à 14h30. Donc il y aura une demi-heure de silence et une demi-heure de bruit. Voilà. Toi devoir partir, cours, cours, on te suit à la trace. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, faut que tu penses que c'est perdu d'avance. Va falloir que tu y passes. Le capitaine de chasse, le garde-chasse, le lieutenant de chasse, tous sont sur ta piste, c'est sûr. Tu risques d'y laisser des plumes. Il y a un contrat sur ta tête, petit bonhomme. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Un enfant vient de naître, la chasse est ouverte. Une femme se jette par la fenêtre, la chasse est ouverte. C'est la sortie de l'école, la chasse est ouverte. Au berceau, à l'hôpital, la chasse est ouverte. Aux armes, citoyens, la chasse est ouverte. Du 1er au 31, la chasse est ouverte. Automne, hiver, printemps, été, la chasse est ouverte. Samedi, dimanche et jours fériés, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Fais sonner l'alerte, la chasse est ouverte. Plus rien ne les arrête, la chasse est ouverte. Objectif 25 000, reconduite à la frontière. Ordre, sentence, décret du ministère. Appel à résistance, la chasse est ouverte. C'est l'état d'urgence, la chasse est ouverte. Eta bueno, gogoratzen dizuet, saio hau bukatzen dugunean, 9:30 arte Xilozibeko irratiarekin konexioa egiten dugula, eta Whiskyman Koipukore entzunalgo duzutela. Gero 10:30 arte berriro ere Xilozibeko irratitik etortzen zaigun zirrikituetatik saioa izango duzute, eta 12:00 arte Herriotxaken errepikapena, beraz gure kunkaren errepikapena. Donc Sarah, je pense que on finit ici. Oui, c'est ça. Donc on se revoit d'ici 2 semaines, ça sera dernière émission de l'année. Jours. Oui. Et on reprendra l'année prochaine, bien sûr. Voilà, avec plein d'autres choses à parler. Donc merci une fois de plus. Merci à toi. Et à la prochaine. À la prochaine. Eta zuei, abestitxo batekin utziko zaituztegu, aipatzarena ere bai urrengo ostiralean, abenduaren 10ean, izango dugula PTP-aren inguruko saio berezia, PTP-a lurralde antolaketa plan berezia, eta Herriotxaken saio berezi bat izango dugu honen inguruan, parte hartzaile ezberdinekin, Olaberriako auzo elkartea, Meakako auzo elkartea eta HT gelditu elkarlana plataformako kide bat ere izango dugu. Saio honetan hoiek izango dira gure gonbidatuak, baina nahiko genuke ere zuek guztiak parte hartzea, zuen iritziak emanez, eta horretarako bide desberdinak dituzue. Alde batetik herriotxak.infon sartu eta hor aurkituko zute orrialde bat nun zure PTP-aren inguruan hitz egiten duena, eta hortxe zuen iritzia utzi dezakezue. Bestela ancheta.sozial@gmail.comera idatzi dezakezue email bat, eta bestela ere, egunean bertan saio hori egiten dugun bitartean gure telefonoetara deituz. Orduan saio hori Herriotxak guztia bezala 8:00-9:00 arte izango da abenduaren 10ean, beraz animatu zaitezte zuen iritzia ematera, telefonoz, idatziz, aipatu bezala. Orain azken abesti batekin uzten zaituztegu, bihar berriro ere hemen egongo era Herriotxaken 8:00-9:00 arte, eta bihar auzo hotsak izango ditugu, irungo puntu beltzen maparen inguruan hitz egingo dugu bilgune feministako kide batekin eta iria kolektiboko beste kide batekin. Beraz, esan bezala bihar 8:00 berriro ere zuekin, ondo ibili eta ondo portatu ere. Agur. When the sun rose up today and banished the shadows out of town, a little boy was found lying on the ground. Now I knew his name, you know what it means. It means we will be chased, so let's wake the clay machine up. Mother, close your doors and fold your baby's arms. Hide your baby's bed, please close your baby's eyes. After all, it must be told. Holland's being attacked, we must have something to protect ourselves against the heads of state. We still deny, deny, deny. They can cross the wall and fight the power of a man. But before long, gotta break it down. The golem will be strong. We turn around, around, around him all night long, dancing, shouting, empty prayers not to do wrong. We wrote the name of God on the forehead of the beast. I asked him to stand up, to walk in, to resist. After all, it must be told. All that's been attacked, we must have something to protect ourselves against the heads of state. We still deny, deny, deny. They can cross the wall and fight the power of a man. But before long, get the break of dawn, the golem will be strong. Unfortunately, it did more than chase them out of town. He first crossed the line and he killed them one by one. Turned, I had to erase the left on the forehead of the beast. Now the only word you can read is death. Cause all that's been attacked, we must have something to protect ourselves against the heads of state. We still deny, deny, deny. They can cross the wall and fight the power of a man. But before long, gotta break them down. The golem will be strong. Herriotxak, Pausu Mediak ekoiztutako saio bat, egunero arratsaldeko 8:00-9:00 arte Antxeta irratian.